que je vends mes tuces en automatique. 20 bouteilles à 6 ans moins 10. Je les bois ou bien on fait un bowling. Si t'es là, c'est parce que t'es joli. Si t'es là, c'est parce que t'es joli. B8 bourré en zone dans la ville entière. Dans mon avion, en mode avion. MJ, viens, on va derrière. Mon train, lui, jour et nuit, attire la brigade financière. Jour et nuit, tu racontes ma vie, vu que t'as rien à faire. On t'a pas convoqué, mais bon, tu peux t'asseoir ici, ça va. On a des dévités, mais bon, t'as ramené des gros, ça va. Tu n'as pas de gros lopé, mais bon, tu nous fais rigoler, ça va. C'est nous la rue, on t'a dit. Sans carat, là tout est carré, ta meuf dans mon carrosse, avec le carré, t'en deviens paro, tu